La maison d'édition Azavi Media Print de Berlin, Allemagne, a fait paraître en brochure l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, conclusion donnée à la session plénière de mars 2013 du comité central du Parti du Travail de Corée. La cérémonie de parution a eu lieu sur place.